Avis à la population, avant de commencer cette émission Lost in Space, vous aurez le générique juste après, une annonce qui nous tient particulièrement à cœur, car dimanche prochain, le 20 septembre de 18h à 20h, il va y avoir une soirée spéciale au cinéma Francis Weber, à l'Espace des Arts du Pradet. Une soirée spéciale donc sur White Riot. Et White Riot, qu'est-ce que c'est ? C'est un film en fait qui reprend le nom de cette magnifique chanson des Clash. Le synopsis est très simple. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, fin des années 70, pleine explosion punk, donc face à la montée de l'extrême droite nationaliste et raciste, ça vous rappelle pas quelque chose ? Un groupe de militants choisit la musique comme arme. C'est l'aventure de Rock Against Racism qui, avec The Clash en première ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou reggae les communautés d'un pays en crise. C'est donc juste avant l'émission, donc vous pouvez même rentrer chez vous après la fin du film et pour écouter Lost in Space. Je vous invite vraiment à y aller. C'est en partenariat avec Tandem Smack. Et franchement, des événements comme ça au cinéma, surtout le cinéma ces derniers temps, il n'y en avait pas eu beaucoup. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce film. Allez, à 18h, je vous rappelle, VOSTFR, donc vous aurez les vraies voix. Et c'est parti pour le générique. Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. Jealousy and death, I can't be reached. Only have a call dragged underneath, separate from you all. You all. This time, lost my own return. Thank you. Galacheur, que t'auras le pruneau, fit la voix coupante à l'autre bout du fil. Et avant de crever, tu jouiras comme t'as encore jamais joui. Un bon quart d'heure, quelle dura ton agonie. Tu supplieras pour qu'on t'achève, Galacheur, sois-en sûr. Joe Galacheur s'épongea le front. Son visage bouffi était luisant de sueur. Il tenait l'appareil téléphonique, installé à son bureau au 10e étage d'un building de Grand Avenue à San Francisco. Par la large baie, il pouvait voir une partie de la grande ville étalée sur ses collines et le ciel bleu de cette chaude journée de juin. Le bloc-notes ouvert sous le nez de Galacheur indiquait qu'on était le 16 juin 1960. We'll be right back. dead, it just deserves to die when it becomes another stale cartoon. A closed-minded, self-centered social club. Ideas don't matter, it's who you know. If the music's gone drive the bright people out of our so-called scene, till all that's left is just a meaningless fad. I got one way to dodge it, taking care of what we are. Is it sustainable? Or just another label? The giant hope of an alternative has become a dog cliché. What's ripped us apart even more than drugs are the thieves and the goddamn liars. Ripping people off when they share their stuff, when someone falls, are there any friends? Harder core than thou for a year or two, then it's time to get a real job. Others stay home, it's no fun to go out when the gigs are wrecked by gangs and thugs. When the thugs form bands, look who gets record deals from New York metal labels looking to scam. Who signed the most racist queer bashing bands they could find to make a buck, living kids up for war? What call I saw, only a stop of jack approval. Unity of bullshit, when it's under someone's black boot. Or where's the common cause? Too many factions, they result in their cells. Agree with us on every day, but we won't have with anything. That kind of attitude just makes us split the white. Guess who's laughing? One word of explodes when we're all laughing. To find that some of myself. So we got the free, the better and the free. So we got the free, the better and the free. Make the same old mistakes again and again. Shake it, shake it for us like a bear. So we got the free, the better, the free. Make the same old mistakes again and again. The more they stay the same, we can't grow and we won't criticize ourselves. The 60s were our failure, the 70s stuck, and the clock ticks, we dig the same hole. Music seems they ain't realized, don't get rid of the boss, won't eliminate, great for bringing down the banks. Any kind of real change takes some time and work to change the channels on a TV set. So why are we so eager to please? The pressure decrees, so eager to please. The pressure decrees, that's the same old mistake again and again. Chicken, chicken, Morris, like a Paris. Donnez-moi un délai, les gars, supplia-t-il d'une voix lamentable. J'agirai loyalement, vous le savez. Vous aurez le colis, c'est juré. Un de mes hommes est à Macao. Il faut lui laisser le temps de goupiller l'affaire, vous comprenez? Et puis il y a le voyage. Une minute, Galasher. Joe Galasher attendit, anxieux, regardant sans les voir les quatre minuscules drapeaux piqués au coin d'un cendrier massif devant lui. Losange rouge parsemé d'étoiles noires sur fond jaune. Les couleurs de son écurie de course autant de sa splendeur. La voix de l'interlocuteur revint. La Redza te donne jusqu'au 31 juillet à minuit, Galasher. Tu vois, il est compréhensif. Mais dis-toi bien que ce sera le dernier délai. Et ne quitte pas Frisco, surtout. Merci les gars, merci de tout ce... L'interlocuteur avait raccroché. Galasher regarda le combiné dans sa main en sueur, puis le reposa rageusement sur la fourche. Il s'épongea encore la face et se leva. Come on, we got time to move, living, waiting, not a boo. Le petit homme gras aux yeux gris et durs, qui était Joe Gallacher, s'engagea dans le couloir des bureaux de sa société immobilière, une couverture comme une autre, et fit son entrée dans une pièce plongée dans la pénombre, les stores étant baissés. Un large nuage de fumée bleutée stagnait autour de quatre types au col de chemise défait, aux manches relevées, prenant leurs aises, installés autour d'une table chargée de bouteilles de bière, de verres et de billets de banque empilés en petits tas. Ces messieurs faisaient une partie de cartes. À l'arrivée de Gallacher, ils cessèrent de jouer et tournèrent tous la tête vers le quinquagénaire grassouillet. Le patron fit un petit signe du doigt à l'un des joueurs. « Tony, amène-toi. » Tony Mulick, un grand type d'une quarantaine d'années, maigre, très sec, au visage d'hépatique, se leva. Il ramassa sa veste et suivit Gallacher sans se presser. Yeah. Tout ça en somme, ça nous faisait bien de la distraction depuis la veille. Maupass, il a tout de suite vu la coupure. Que ça nous amènerait encore davantage de touristes, que ça m'étonnerait pas. Les gendarmes sont redescendus avec le docteur Barthélémy. Le gradé a appelé Gigasou et lui a parlé à l'oreille. Justin, il en crevait de jalousie. Il s'est avancé, digne, seulement son crayon derrière l'oreille, ça faisait un peu ridicule. En tant qu'adjoint au maire, a-t-il dit avec suffisance au gradé, j'ai le droit de savoir. Tout le monde va savoir, a répondu le gendarme en chef. La victime est morte par strangulation vers les 2h du matin. Rien ne semble avoir été volé, un crime de sadique est également à exclure. Comme rien n'a été fracturé, ce serait un familier de la victime qui aurait fait le coup, que ça ne m'étonnerait pas. We'll be right back. champs. Des mots autour du ciel, autour de la mer, autour du vent, autour des champs. Ça, ils nous regardaient tous bien d'un œil accusateur. Ces deux pandores derrière essayaient aussi de prendre l'air intelligent, les pouces dans le ceinturon, le képi de guingois, comme le feutre des incorruptibles à la télé. We'll be right back. Have a nice day. Familier, familier, elle n'en avait pas de familier, cette vieille carne, a dit Justin. Elle se méfiait de tout le monde, elle pensait qu'à ses bondieuseries. fall, so I can never sing, cause I'm a trendite. I'm a trendite. I'm a trendite. I'm a trendite. Cause I'm a trendite. C'est peut-être le gars Jésus qui lui a fait son affaire, à rigoler Arsène qui croit à rien, attendu qu'il est fossoyeur. Into fine ourselves. Je demande donc le concours de la population à continuer le gradé en souriant légèrement. Je m'installe à la mairie pour mon enquête. Tous ceux qui auraient remarqué quelque chose d'anormal cette nuit sont invités à venir me voir. Yeah. in a new life. I'm printing recordings of you to my friends tonight. We've got a girl in bed with you. Her eyes and her camera, we just started like. Picket fence. Mother waits for father in a bed. soufflant sur un verre pour le polir et regardant Elmer à travers la rotondité de ce verre, le barman lui faisait remarquer qu'il ne s'entendait guère en chanson. Mais il ne put s'empêcher de sourire. C'était pour un barman tout ce qu'il y avait à faire en face d'Elmer. D'Elmer exalté, brave et toujours prêt à lever le diable avec son bon sourire bestial et irrésistible. We'll be right back. I promise. Ça va, vieille chaussette, acquiesça Elmer. Eh bien, moi et mon copain, on va te montrer comment on s'y prend pour chanter. Présente mon copain, Jim Lefferts, le plus épatant copain du monde. Sinon, je ne l'habiterai pas avec lui. Le meilleur trois quarts du Middle West. Présente mon copain. Not to blow the dress again.

Le barman se laissa présenter une fois de plus Monsieur Jim Lefferts avec des protestations. Plaisir, honneur. Puis, Elmer et Jim se retirèrent à une table pour y entonner les longs, riches et sombres accords d'une complainte d'ivrogne. Ils chantaient fort bien. Jim avait une belle voix de ténor. Quant à Elmer Gentry, encore plus que sa taille massive, ses épais cheveux bruns, ses yeux noirs et hardis, sa voix prenante de baryton vous restait dans l'esprit. Il était né pour faire un sénateur. Il ne disait jamais rien d'important, mais il le disait d'une voix sonore. Un bonjour sur ses lèvres prenait une profondeur kantienne. Il était accueillant comme un éclat de fanfare, exaltant comme un orgue de cathédrale. Sa voix était un violoncelle. Elle enchantait et vous faisait oublier son argot, ses vantardises, ses grivoiseries et les violences qu'à cette époque il faisait subir au singulier et au pluriel. Don't faint it away, but I honestly believe that one month should be enough. Well, first

house visit? Don't forget, a psychiatrist is on duty 24 hours a day in the blue room, just up in the parking garage. Drink plenty of water when you take these. Now you can relax and return to your job. Luxurieusement, comme un voyageur qui déguste de la bière fraîche, il caressait les phrases suavement enchaînées, en flânant sous les allées ombreuses avec toi, mon chou. Create.